Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Est-ce que vous pouvez confirmer qu'il y a du son? Barakallahu fikoum. Bismillah, alhamdulillah, wa salat wa salam ala rasulillah, amma ba'd. Donc nous continuons après nos nobles frères en Allah azza wa jal. Notre frère Hassan, hafidahullah, notre frère Abd Halim, hafidahullah, notre frère Saad, hafidahullah, et avant nos autres frères de demain, inshallah, notre frère Suleyman et notre frère Abd Karim, qu'Allah les préserve tous deux. On continue donc ce magnifique poème de l'imam Saadi, rahimahullah. Et la partie qui m'a été allouée, c'est l'iman ou bil yawm al-akhir. Pour commencer en tout cas. Et ce sont les vers de 27 à 36, dans lesquels l'imam Sa'di rahimahullah, il dit: نقر بأحوال القيامة كلها وما اشتملته الدار حقا ونشهد تفكر بآثار العظيم وما حوت ممالكه العظمى لعلك ترشد ألم تر هذا الليل إذ جاء مظلما فعقبه جيش من الصبح يطرد تأمل بأرجاء السماء جميعها كواكبها وقادة تتردد أليس لهذا محدث متصرف حكيم عليم واحد متفرد بلى والذي بالحق أتقن صنعها وأودعها الأسرار لله تشهد. Il est difficile de traduire de manière précise des vers de poésie, en tout cas de reproduire cette éloquence dans la poésie arabe en langue française. C'est très difficile, mais on va essayer de s'attacher à traduire le sens, en tout cas. Donc l'imam Saadi rahimahullah, il dit ici, dans ce chapitre qui s'attache à l'étude de la foi au jour dernier: nous affirmons toutes les situations du jour de la résurrection, de même ce que comprend la dernière demeure en vérité, et nous attestons. Médite quant au signe de l'immense et ce que comprennent ces sublimes royaumes, en espérant que tu seras guidé. Ne vois-tu pas cette nuit qui vient avec l'obscurité, suivie par une armée du matin qui la chasse? Médite quant à tous les coins du ciel avec ses étoiles étincelantes, qui vont et reviennent, tout cela n'a-t-il pas un créateur organisateur, sage, omniscient, un et unique? Oh, bien sûr que si, je jure par celui qui, par la vérité, a parfait sa création et a placé les sagesses qui témoigne d'Allah. L'explication est celle de Cheikh Zayd al-Madkhali, rahimahullah, car il fasse miséricorde, qui s'appelle Sharh Mandoumati Manhaj al-Haqqi fi al-Aqidat wal-Akhlaq. Donc l'explication du poème de la voie de vérité, de la méthodologie de vérité dans la croyance et les bienséances, le comportement de l'imam Sa'di, rahimahullah. Et l'édition que j'ai moi ici, c'est Darul Mirath al-Nabawi. Pour ceux qui ont le livre, c'est page 73. Et justement ici, Cheikh Zayd, rahimahullah, il commente ce, en tout cas, il cite le premier vers de poésie, il dit: Nuqirru bi ahwal al-qiyamati kulliha wa ma ishtamalathu ila akhir al-bayt wa ila akhir al-abyat. Donc, nous affirmons toutes les situations du jour de la résurrection, de même ce que comprend la dernière demeure en vérité, et nous attestons jusqu'à la fin des vers de poésie qu'on a cité, en tout cas qu'on a essayé de traduire en langue française. Et il dit, Cheikh Zayd rahimahullah, « Fi hada al-bayt tawjih min al-nadhim rahimahullah li kulli sami'in wa qari'in li hadhihi al-manzumati fi al-aqidah. Tawjih lil-muslimi an yata'ammala fi ahwal al-qiyamah fi yaqra'u dhalika wa yasma'uhu wa yasta'iddu lahu fa inna Allah 'azza wa jalla qad dhakaraha fi mawadhi'a min al-Qur'an al-Karim. Fama 'ala al-muslim illa an yaqra' al-ayat al-Qur'aniyah wa al-ahadith an-nabawiyyah التي وضحت فيها أهوال القيامة. قال الله تعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. Cheikh Zayd, car lui fasse miséricorde, il explique ces vers de poésie en disant: il y a dans ce vers de poésie une orientation de la part de l'auteur, qui est lui-même Saadi, comme on l'a déjà dit, qu'Allah lui fasse miséricorde, pour toute personne qui entend et tout lecteur de ce poème dans la croyance. Une orientation aux musulmans de méditer les situations et les choses effrayantes du jour de la résurrection. Il se doit donc de lire cela et de l'entendre et s'y préparer, car Allah le Très-Haut les a mentionnés à plusieurs endroits de son noble livre. Il ne reste donc aux musulmans que de lire les versets coraniques, l'ayat coraniya ou l'ahadith nabawiya et les ahadith prophétiques, dans lesquels les choses effrayantes du jour de la résurrection ont été clarifiées. Et puis il cite tout de suite un verset de sourate al-Hajj, en tout cas deux versets, le premier et le deuxième de sourate al-Hajj, dont la traduction du sens est: Ô homme, craignez votre Seigneur, le séisme qui précédera l'heure est une chose terrible. Le jour où vous le verrez, toute nourrice oubliera ce qu'elle allaitait, et toute femelle enceinte avortera ce qu'elle portait. Et tu verras les gens ivres alors qu'ils ne le sont pas, mais le châtiment d'Allah est dur. Comme on a dit, ce sont les deux premiers versets de Sourate Al-Hajj. الشيخ زيد الكوتيني رحمه الله عن ديزون وقد جاءت أهوال القيامة مفصلة في القرآن كما أسلفت وفي أحاديث أو في أحاديث من أنزل عليه القرآن. Les choses effrayantes de la résurrection ont été détaillées dans le Coran, comme je l'ai dit précédemment, et dans les hadiths de celui auquel le discernement a été révélé. Il commence, il dit, rahimahullah, min ba'th al-amwat min quburihim kama qala 'azza wa jalla wa idha al-qubur bu'thirat min sourate al-infitar. Ici, la première des choses effrayantes et de la première chose à laquelle s'attache Cheikh Zayd rahimahullah, c'est la résurrection des morts à partir de leur tombe, comme Allah exalté soit-il a dit, dont la traduction du sens est, et que les tombeaux seront bouleversés, sourate al-infitar, et c'est le verset 4. Deuxième point, وخروج الناس على الحال الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم بقوله إنكم محشورون إلى الله حفاة عراة غرلا. La sortie des gens dans l'état qu'a décrit le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans sa parole, ressuscité vers Allah, pieds nus, nus et pas circoncis. Alors ici, on va faire un point par rapport à ce hadith. Comme dit Cheikh Zayd, il dit qu'il est rapporté par le Bukhari 4814 et Muslim numéro 2955. C'est donc un hadith qu'on appelle Muttafaqun alayh, parmi les hadiths les plus authentiques. Et c'est d'après la narration d'Abu Huraira qu'Allah l'agrée, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال بين النفختين أربعون قالوا يا أبا هريرة أربعون يوما قال أبيت قال أربعون سنة قال أبيت قال أربعون شهرا قال أبيت ويبلى كل شيء من الإنسان إلا عجب ذنبه فيه يركب الخلق. D'après Abu Huraira, qu'Allah l'agrée, que le prophète صلى الله عليه وسلم a dit: entre les deux souffles il y a 40. Ils demandèrent alors: oh, Abu Huraira, 40 jours? Il répondit: ce dont le sens est, je me refuse à être spécifique à ce sujet. Ils dirent alors: 40 mois? Il répondit: je me refuse à être spécifique à ce sujet. Ils dirent alors: 40 ans? Il répondit: je me refuse à être spécifique à ce sujet. Il ne restera de tout être humain que son coccyx, car c'est à partir de cet os que les êtres humains seront recomposés. Ensuite, Cheikh Zayd, il continue sur le deuxième point en disant « Hufatan ghayr munta'ilin », c'est-à-dire qu'il explique les termes de ce hadith. « Ghurlan ghayr maqtoulin wa urat ghayr masturin ». Comme on l'a dit dans le hadith ici, ressuscité vers Allah pieds nus, nus et pas circoncis. La mère des croyants, أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم بنت الصديق قالت يا رسول الله الرجال والنساء ينظر بعضهم إلى بعض فقال الأمر أشد من أن يهمهم ذاك. Qu'est-ce que Aïcha elle dit رضي الله عنها quand elle a entendu cela? Et elle est l'épouse du prophète صلى الله عليه وسلم, la mère des croyants et la fille du très véridique Abu Bakr Siddiq. Elle dit: ô messager d'Allah, les hommes et les femmes se regarderont les uns les autres? Elle dit ça par rapport au fait qu'ils seront nus. Alayhi salatu wasalam répondit: l'affaire sera trop grave pour que cela les préoccupe. Cela est rapporté par le Bukhari numéro 4740 et Muslim numéro 2860 d'après la narration d'Ibn Abbas, qu'Allah l'agrée, ainsi que son père. Et Cheikh Zayd justement il explique cela, il dit: Ay kullun mushtaghilun bi nafsihi wa halihi wa shu'unihi. فلا ينظر أحد إلى عورة أحد، الأبصار شاخصة إلى السماء تنتظر فصل القضاء من الله تبارك وتعالى. Qu'est-ce que Sherzad il dit ici? C'est-à-dire que chacun sera préoccupé par sa propre personne et sa propre situation et ses propres affaires. Et donc personne ne regardera la aura d'autrui. Les regards seront figés vers le ciel, attendant la tenue du jugement d'Allah le Très-Haut, subhanahu wa ta'ala. Troisième, parmi ces choses effrayantes du jour de la résurrection, « وَمَا يَجْرِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنْ وَزْنِ الْأَعْمَالِ كَمَا قَالَ عَزَّ وَجَلَّ وَالْوَزْنُ يَوْمَئِذٍ الْحَقُّ فَمَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ بِمَا كَانُوا بِآيَاتِنَا يَظْلِمُونَ وقال سبحانه ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين وقال سبحانه فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية. Donc ici, Cheikh Rahimahullah, il dit ce qui se passera le jour du jugement en termes de pesée des actions. Comme Allah le Très-Haut le dit, et dans la traduction du sens est, et la pesée ce jour-là sera équitable. Donc celui dont les bonnes actions pèseront lourd, voilà ceux qui réussiront. Et quant à celui dont les bonnes actions pèseront léger, voilà ceux qui auront causé la perte de leur âme, de leurs âmes, parce qu'ils étaient injustes envers nos enseignements. Et ça c'est Sourate Al-A'raf, versets 8 et 9. Un autre verset dans la traduction du sens est, et au jour de la résurrection, nous placerons les balances exactes. Nulle âme ne sera lésée en rien, fût-ce du poids d'un grain de moutarde que nous ferons venir. Nous suffisons largement pour dresser les comptes. Et ça, c'est Sourate Al-Anbiya, verset 47. Encore un autre verset dans la traduction du sens est, quant à celui dont la balance sera lourde, il sera dans une vie agréable. Et ce cheikh ici, il explique, il dit, hey, rajahat hasanatuhu bisayyati. C'est-à-dire que ses bonnes actions seront plus lourdes dans la balance que ses mauvaises actions. Et puis, les versets continuent de la même sourate, qui est Sourate Al-Qari'a, wa amma man khafat mawazinuh fa ummuhu hawiya. Quant à celui dont la balance sera légère, sa mère, c'est-à-dire sa destination, est un abîme très profond. Puis Cheikh dit, puis il a expliqué son sens, Allah subhanahu wa ta'ala, et a insisté sur sa sévérité en disant sa parole, وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِيَ نَارٌ حَامِيَ. Et ça, ce sont les derniers versets de Sourate Al-Qari'a. Mais tout ce qu'on a cité, c'est de versets 6 à 11. Et donc Cheikh dit que Allah subhanahu wa ta'ala a expliqué son sens et a insisté sur sa sévérité. Et qui te dira ce que c'est? C'est un feu ardent. Ensuite ici, le cheikh il dit وَالْوَزْنُ لِلْعَامَلِ وَالصَّحِيفَةُ لِلْعَامَلِ وَالصَّحِيفَةِ وَالْعَامِلِ عَلَى الْقَوْلِ الرَّاجِحِ. Ici un point par rapport à qu'est-ce qui va être pesé. Il dit l'avis le plus correct chez les gens de science est que la pesée est une pesée des actions et des registres ainsi que de la personne qui est l'auteur de ces actions. D'après Salman al-Farisi, فعن سلمان الفارسي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يوضع الميزان يوم القيامة فلو وزن فيه السماوات والأرض لوسعت. D'après Salman al-Farisi, qu'à l'agréer que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, la balance sera placée le jour du jugement dernier, et si les cieux et la terre venaient à y être pesées, elle serait assez grande. Ça s'est rapporté par Al-Hakim et jugé authentique par Cheikh Al-Albani, rahimahullah, dans le 6 de la Hadith Sahiha, Hadith numéro 941. Il cite un autre Hadith qui est plus long. Et il dit, عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله سيخلص رجلا من أمتي على رؤوس الخلائق يوم القيامة فينشر عليه 99 سجلا كل سجل مثل مد البصر ثم يقول أتنكر من هذا شيئا أظلمك كتبت الحافظون فيقول لا يا رب فيقول أفلك عذر فيقول لا يا ربي فيقول بلى إن لك عندنا حسنة فإنه لا ظلم عليك اليوم فتخرج بطاقة فيها أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فيقول أحضر وزنك فيقول يا ربي ما هذه البطاقة مع هذه السجلات فقال إنك لا تظلم قال فتوضع السجلات في كفة والبطاقة في كفة فطاشت السجلات وثقلت البطاقة فلا يدخل مع اسم الله شيء. C'est magnifique hadith qui est d'après Abdullah ibn Amr, qu'Allah l'agrée lui ainsi que son père, qui dit que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit: Allah choisira un homme de ma communauté et l'appellera devant tous le jour du jugement dernier. 99 registres lui seront présentés, chaque registre s'étendant à vue d'œil. Puis il dira: Exalté soit-il, contestes-tu quoi que ce soit de tout cela? Est-ce que mes anges, scribes, qui veillaient sur toi, ont commis une injustice à ton égard? L'homme répondra: Non, mon Seigneur. Allah dira alors: As-tu une excuse? Il répondra: Non, mon Seigneur. Allah dira: Au contraire, tu as certes une bonne action auprès de nous. Il n'y aura aucune injustice envers toi aujourd'hui. Sortira alors une carte sur laquelle est écrit ce dont le sens est, c'est-à-dire: Shadu la ilaha illallah wa shadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. J'atteste que rien ni personne n'est en droit d'être adoré en dehors d'Allah. Et j'atteste que Muhammad est son serviteur et son messager. Allah lui dira: Présente-toi à ta pesée. L'homme dira alors: Oh mon Seigneur, que peut peser cette carte contre ces registres? Allah dira: Subhanahu wa ta'ala, certes aucune injustice ne sera commise à ton égard. Ils disent là, ensuite, les registres seront placés sur un plateau de la balance et la carte sur un autre plateau. Les registres seront alors élevés alors que la carte sera plus lourde, car rien n'est plus lourd que le nom d'Allah. Fin du hadith. Ce hadith est rapporté par At-Tirmidhi, numéro 2639, et Ibn Majah, numéro 4300. Il est jugé authentique dans Sahih Sunan Tirmidhi, numéro 2127. Et c'est l'authentification de Cheikh Al-Albani, rahimahullah ta'ala. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إنه لا يأتي الرجل العظيم السمين يوم القيامة لا يزن عند الله جناح بعوضة. Ici, évidemment, comme vous l'avez compris, le cheikh Zayd rahimahullah, concernant ce qu'il a dit que la vie le plus correct et que ce qui est pesé, ce sont les actions, les registres et l'auteur des actions, bien justement, il cite une preuve pour chacun. Et ici, il cite la preuve de la personne qui est pesée. Et il dit: D'après Abu Huraira, que le messager d'Allah a dit: L'homme immense et obèse viendra certes le jour du jugement, alors qu'il ne pèse auprès d'Allah pas plus que le poids de l'aile d'un moustique. Et il dit aussi: Fala nuqimu lahum yawm al-qiyamati wazna. Min surat al-Kahf. An ibn Mas'ud radiallahu anhu annahu kana yajtani siwakan al-arak wa kana daqiqa al-saqayn faja'alat al-rihu takfa'uhu fadahika al-qawm minh. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مما تضحكون؟ قالوا: يا نبي الله، من دقة ساقيه. فقال: والذي نفسي بيده لهما أثقل في الميزان من أحد. Le prophète صلى الله عليه وسلم dit: Lisez la parole d'Allah, ou la traduction du sens est: Nous n'assignerons pas de poids à leurs actions au jour de la résurrection. Surat al-Kahf, verset 105. Et ce hadith est rapporté par Ahmed, numéro 3991. D'après le hadith d'Ibn Mas'ud, radiallahu anhu, est jugé authentique par Cheikh Al-Albani dans As-Sahiha, numéro 3192. D'après Ibn Mas'ud, qu'Allah l'agrée, qu'il cueillait un siwak, d'arak, et il avait les jambes fines, radiallahu anhu. Le vent se mit alors à le pousser d'un côté à l'autre. Les gens se mirent alors à rire de lui. Le messager, sallallahu alayhi wa sallam, il dit: Alors, de quoi riez-vous? Ils dirent: Ô prophète d'Allah, de la finesse de ses jambes. Il répondit alors, alayhi salatu wassalam, par celui qui détient mon âme entre ses mains, elles sont certes plus lourdes dans la balance que Uhud. Et la référence que je citais avant, en fait, c'est la référence de ce hadith. La référence du hadith précédent, c'est plutôt rapporté par le Bukhari 4729 et Muslim numéro 2785. Alors que le hadith d'Ibn Mas'ud que je viens de citer, il est rapporté par Ahmed dans son Musnad et les jugés authentiques par Cheikh Al-Albani numéro 3192. Désolé pour cette petite erreur. Donc ici, le Cheikh, rahimahullah, il cite le quatrième point parmi les choses qui sont effrayantes le jour de la résurrection. Il dit: وَمِنْ تِلْكُمُ الْأَهْوَالِ تَطَايُرُ الصُّحُفِ فِي الْأَيْدِي كَمَا قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ وَكُلَّ إِنْسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ نُخْرِجُهُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَابًا يَلْقَاهُ مَنْشُورًا اقْرَأْ كِتَابَكَ كَفَى بِنَفْسِكَ الْيَوْمَ عَلَيْكَ حَسِيبًا. من سورة الإسراء. Parmi ces choses effrayantes, la distribution des registres dans les mains. Comme l'a dit Allah le Très-Haut dans la traduction du sens est: Et au cou de chaque être humain, nous avons attaché son œuvre. Et au jour de la résurrection, nous sortirons un écrit qu'il trouvera déroulé. Lis ton écrit, Aujourd'hui, tu te suffis d'être ton propre comptable. Al-Isra, verset 13-14. Donc, Cheikh, rahimahullah, il continue, il dit, فكل يستلم كتابه الذي أملاه على الكرام الكاتبين في حياة العمل من قول أو فعل ظاهر أو باطن يقرأه. فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وهو العرض، وأما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا ويصلى سعيرا الآية. والعرض هذا لأهل الإيمان، لأن العبد لا بد من أن يقترف السيئات. Chacun, cher Zayd rahimahullah, il dit, chacun recevra donc son livre qu'il aura dicté aux anges scribes dans la vie des actes, en termes de paroles, d'actions, que ce soit apparentes ou cachées. Il le lira. Quant à celui, c'est un verset ici du Coran maintenant, dans la traduction du sens est, quant à celui qui recevra son livre derrière son dos, il invoquera la destruction sur lui-même et il brûlera dans un feu ardent. Soit l'Inshiqaq, verset 13-14. Le Cheikh dit, cela est la présentation, l'ard. Il est rapporté par le Bukhari numéro 103 et Muslim numéro 2876, d'après Ibn Abi Malika, que Aïcha, l'épouse du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, radiallahu anha, n'entendait rien qu'elle ne connaissait pas sans qu'elle ne questionne à ce sujet, afin qu'elle sache. Et le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a dit, quiconque sera soumis à un jugement sera châtié. Aïcha, elle a alors demandé, Allah le trône ne dit-il pas ce dont le sens est, il sera soumis à un jugement facile? Surat al-Inshiqaq, verset 8, elle dit, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam répondit, ce n'est que la présentation de l'ard, tandis que celui qui voit son jugement débattu sera châtié. Rawa al-Bukhari wa Muslim an ibn Abi Malikata an Aisha radiallahu anha, zawj al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam, كانت لا تسمع شيئا لا تعرفه إلا راجعت فيه حتى تعرفه، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من حوسب عذب. قالت عائشة رضي الله عنها فقلت أوليس يقول الله تعالى فسوف يحاسب حسابا يسيرا؟ قالت فقال إنما ذلك العرض، ولكن من نوقش الحساب يهلك. Donc, Cheikh Zayd, rahimahullah, il continue cette magnifique explication de ces vers de poésie de l'imam Sa'di, rahimahullah. Et comme on a dit au début, pour les frères et sœurs qui ont raté le début, c'est qu'on s'attache à étudier le chapitre sur les affaires étant liées au jour de la résurrection et au jour dernier. Donc, on a dit, au sujet de la présentation, que Cheikh Zayd il dit, cette présentation est pour les gens de foi, Ahlul Iman, car il est obligatoire que le serviteur commette et tombe dans des péchés. Il a été rapporté de manière authentique que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, Allah rapprochera, certes, le croyant et le couvrera. On va lire aussi le hadith en arabe. Inna Allah yudni al-mu'min fayada'u alayhi kanafah wa yasturuh fayakulu ata'rifu zanba kada fayakulu na'am ay rab. حتى إذا قرره بذنوبه ورأى في نفسه أنه هلك قال سترت عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم فيعطى كتاب حسناته. هذا الحديث رواه البخاري ومسلم فهو متفق عليه من حديث ابن عمر رضي الله عنهما. Ici, le hadith qui est rapporté par al-Bukhari ou Muslim, d'après la narration de Ibn Omar, qu'Allah l'agré lui et son père, qui dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, Allah rapprochera certes le croyant et le couvrera et lui dira, reconnais-tu tel péché? Reconnais-tu tel autre péché? Le serviteur répondra, oui mon Seigneur. Lorsqu'il reconnaîtra ses péchés et verra que sa personne est perdue, Allah subhanahu wa ta'ala lui dira alors, je te les ai cachés dans la vie du bas monde et je te les pardonne aujourd'hui. Il lui sera alors donné le livre de ses bonnes actions. Il lui sera alors donné son livre dans sa main droite, comme Cheikh Zayd dit, رحمه الله ويعطى كتابه بيمينه وينطلق مستبشرا مبشرا كما في قول عز وجل في الآية المتقدمة. Donc, il lui sera alors donné son livre dans sa main droite et il sera content et partira réjoui annonçant la bonne nouvelle ou réjoui auprès de sa famille, comme cela a été clarifié dans le verset qu'on a cité précédemment. Cinquième parmi les choses effrayantes du jour de la résurrection, du jour dernier, فمنهم من يمر عليه كالبرق، ومنهم من يمر عليه كالريح، ومنهم من يمر عليه كعجاويد الركاب، ومنهم من يزحف زحفا، وذلك بحسب ما أسلفت الخلائق من الأعمال. وده خاص بالذين لهم أعمال حسنة وأعمال سيئة. وتخطف الكلاليب من حق عليه شيء من العذاب كأهل الكبائر، فيعذبون بقدر ما جنوا، ومآلهم من الجنة لأنهم من أهل التوحيد. Parmi les affaires effrayantes aussi du jour de la résurrection, c'est la cinquième qu'on cite à présent, le passage sur le chemin qui a été décrit comme étant un pont qui sera placé au-dessus du feu de la Géhenne, sur lequel passeront des créatures en fonction de leurs actions, en fonction de ce qu'ils ont préparé dans la vie des actes, en termes de bonnes actions ou de péchés. Certains passeront à la vitesse de l'éclair, d'autres à la vitesse du vent, et d'autres encore à la vitesse de montures rapides, d'autres encore en rampant. Tout cela en fonction de ce que les créatures ont fait comme action. Ceci est spécifique à ceux qui ont des bonnes actions tout en ayant commis des mauvaises actions. Tandis que les crochets choperont et attraperont ceux qui méritent d'avoir une part de châtiment, comme les gens des grands péchés, Ahlul Kaba'ir, les péchés majeurs, qui seront châtiés en fonction de ce qu'ils ont commis, puis verront leur destination finale être au paradis, car ils font partie des gens de l'unicité. Alors ici, il y a un long point que Cheikh Zayd, rahimahullah, il fait par rapport à cela. Il dit, un instant, barakallahoukoum. Donc il dit, Rawal Bukhari wa Muslim, من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثم يؤتى بالجسر فيجعل بين ظهري جهنم قلنا يا رسول الله وما الجسر قال مدحضة مدحضة مزلة عليه خطاطيف وكلاليب وحسكة مفلطحة لها شوكة عقيفاء تكون بنجد يقال لها السعدان المؤمن عليها كالطرف وكالبرق وكالريح وكأجاويد الخيل والركاب فناج مسلم وناج مخدوش ومكدوس في نار جهنم حتى يمر آخرهم يسحب سحبا. Donc ici, il est rapporté par Al-Bukhari Muslim, d'après le hadith d'Abu Sa'id Al-Khudri, car à la grecque, le prophète Sa'asem a dit, puis le jasr sera amené et placé au-dessus des deux rives de la Géhenne. Il dit, mais alors, et qu'est-ce que le jasr? Il répondit, les pieds y glissent et les corps y tombent. Et ça, c'est en accord avec l'explication de l'Éthiopie, rahimahullah. Au-dessus duquel il y a des crochets et une hasakatun. Ici, sur YouTube, il explique que c'est une plante qui a un fruit très rugueux et qui s'accroche à la laine des moutons. Il se peut aussi que ce soit en métal et que cela fasse partie des armes de guerre. Puis, un autre terme ici, il dit Hasakatun Mufal Tahatun, qui est large et plate. C'est ça que ça veut dire, comme expliqué sur YouTube, ayant une épine crochue qu'on trouve au Najd et qui est appelée As-Sa'dan. Le croyant, il passera à la vitesse d'un clin d'œil, à la vitesse de l'éclair, à la vitesse du vent, à la vitesse des chevaux et des chameaux de course rapide. Certains seront sains et saufs, d'autres saufs mais blessés par les crochets avant qu'ils soient relâchés. D'autres encore seront poussés dans le feu de la Géhenne jusqu'à ce que passe le dernier en étant traîné. Et on va voir ces catégories. En fait, Cheikh ici, il explique les trois catégories de personnes, ou plutôt le hadith, il y a les trois catégories de personnes. Et Cheikh Zayd Rahimahullah, il va revenir là-dessus. Mais ce hadith ici qu'on vient de citer, il est dans le Bukhari et Muslim d'après le hadith d'Abu Sa'id al-Khudri. Ensuite, Cheikh, il fait un deuxième point. Il dit, وروى البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم قال يضرب الصراط بين ظهريني جهنم فأكون أول من يجوز من الرسل بأمته ولا يتكلم يومئذ أحد إلا الرسل وكلام الرسل يومئذ اللهم سلم سلم وفي جهنم كلاليب مثل شوك السعدان هل رأيتم شوك السعدان؟ قالوا نعم قال فإنها مثل شوك السعدان غير أنه لا يعلم قدر عظمها إلا الله تخطف الناس بأعمالهم فمنهم من يوبق بعمله ومنهم من يخردل ثم ينجو. Ici, un autre hadith que le cheikh Zayd rahimahullah il cite, il dit Al-Bukhari Muslim ont rapporté d'après Abu Huraira Kalalagri que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit le chemin sera placé au Sirat au-dessus de la Géhenne, Jahannam, entre ces deux rives, et je serai le premier parmi les messagers à y passer avec sa communauté. En ce jour, nul ne parlera, à l'exception faite des messagers. Leur parole sera Sallim, Sallim, comme l'expliquait les ulama, oh Allah sauve les croyants, oh Allah sauve les croyants. Il y a dans la Géhenne des crochets pareils aux épines de Sa'dan, comme on l'a décrit précédemment. Avez-vous l'épine de Sa'dan? C'est le professeur Hassan qui pose cette question. Ils répondirent oui. Il dit alors, ces crochets sont comme l'épine de Sa'dan, sauf que seul Allah en connaît la mesure de son immensité. Ils attraperont les gens en fonction de leurs actions. Certains seront perdus en raison de leurs mauvaises actions, et d'autres seront coupés par les crochets, mais seront finalement sauvés jusqu'à la fin du hadith. Troisième point, c'est aussi un hadith que Cheikh, ici, il rapporte par rapport à ce point, il dit « وروى مسلم عن أبي هريرة وحذيفة رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وترسل الأمانة والرحم فتقومان جنبتي الصراط يمين وشمالا فيمر أولكم كالبرق قال قلت بأبي أنت وأمي أي شيء كمر البرق قال ألم تروا إلى البرق كيف يمر ويرجع في طرفة عين ثم كمر الريح ثم كمر الطير وشد الرجال تجري بهم أعمالهم ونبيكم قائم على الصراط يقول رب سلم سلم حتى تعجز أعمال العباد حتى يجيء الرجل فلا يستطيع السير إلا زحفا قال وفي حافتي الصراط كلاليب معلقة مأمورة بأخذ من أمرت به فمخدوش ناج ومكدوس في النار. Troisième hadith ici qui cite Cheikh Zayd rahimahullah par rapport à ce point et au sirat, il dit l'imam muslim a rapporté d'après Abu Huraira radiallahu anhu et Hudayfa radiallahu anhu que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit la amana, le dépôt, et al-rahim, c'est-à-dire le lien familial, seront envoyés et se tiendront des deux côtés du chemin à droite et à gauche, c'est-à-dire afin de demander leur droit à chaque personne passant par le chemin. Le premier parmi vous passera à la vitesse de l'éclair. Il dit, je sacrifie ma mère et mon père pour toi, au messager d'Allah. Qu'est-ce que passer à la vitesse de l'éclair? Le prophète Azam répondit en disant, ne voyez-vous pas l'éclair comme il passe et revient en un clin d'œil? Puis d'autres passeront à la vitesse du vent, puis d'autres à la vitesse d'un oiseau, puis d'autres à la vitesse du pas de course. Ils passeront en fonction de leurs actions. Et votre prophète, sallallahu alayhi wa sallam, et votre prophète sera debout sur le chemin disant, oh mon Seigneur, sauve les croyants, oh mon Seigneur, sauve les croyants. Jusqu'à ce que les actions soient moindres et que vienne un homme ne pouvant avancer qu'en rampant. Il dit, sallallahu alayhi wa sallam, sur les deux extrémités du chemin, il y a des crochets pendus à qui l'ordre est donné de prendre ceux au sujet desquels ils ont reçu l'ordre de les attraper. Certains seront alors blessés mais saufs, d'autres poussés dans le feu. Wal'iyadhu billah. On a fini ce point ici par rapport à cette note de bas de page concernant ici le sirat et concernant les gens du tawhid. Et on arrive au sixième point, parmi les choses effrayantes de la résurrection du jour dernier. Il dit « وَهَكَدَ الْوُقُوفُ عَلَى الْقَنْطَرَةِ بَعْدَ الْخُلُوسِ مِنَ الْجَسْرِ وَالسِّرَاتِ مِنْ أَهْوَالِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ هُنَكَ شِيءٌ يُسَمَّ الْقَنْطَرَةِ تَقِفُ عَلَيْهِ الْخَلَائِقِ وَذَلِكَ لِلْقِصَاصِ يَقْتَصُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ فِي هَذَا الْمَكَانِ الْمَظْلُومِ مِنْ ظَلَمَهِ. C'est un point aussi très très important. Il dit « De même fait partie des affaires effrayantes du jour de la résurrection, l'arrêt sur Al-Qantara, deuxième point. Après avoir passé le Jasr, le premier pont. Il y a un endroit nommé Al-Qantara sur lequel les créatures se tiendront. Moi, j'ai ici traduit ici en disant Al-Qantara que c'est le deuxième pont, en accord avec certaines explications de gens de science. On a dit qu'il y a un endroit nommé Al-Qantara sur lequel les créatures se tiendront et ce afin de juger entre eux. Car là, le trio à cet endroit juge pour l'opprimé contre celui qui l'a opprimé. Et sûr, justement, ici, Cheikh Zayd, il fait une nasiha, c'est-à-dire que une nasiha, il va expliquer évidemment ce point-là, puis il va faire une nasiha amaliya. C'est-à-dire que ce point d'aqida qu'on tire ici, on doit en tirer un bénéfice de pratique dans notre vie en tant que musulman, en tant que croyant. Il dit, al-qisasu innama huwa akhdun min hasanati adh-dhalimi wa taslimuha lil-mazlum. Fa'idha faniyat hasanatu adh-dhalimi wa lam yuwaffi ma 'alayhi min adh-dhulmi ukhidha min sayyi'ati man dhalamahum wa turihat 'alayhi fayutrahu fi an-nar. Lidha wajaba 'ala al-muslimi an yahfadha lisanahu وأن يحفظ جوارحه وأن يحفظ قلبه حتى لا يسلم حسناته يوم القيامة لمن ظلمهم وإما في دمائهم وإما في أعراضهم وإما في أموالهم. هذه ما يجري فيها القصاص يوم القيامة، كما يجري من اللسان من الغيبة التي فسر النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: ذكرك أخاك بما يكره. قيل: أفرأيت إن كان في أخي ما أقول؟ قال: إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته، وإن لم يكن فيه ما تقول فقد بهته. والبهت أشد إثما من الغيبة، لأنه غيبة وكذب، فلا تذكر أحدا بشر إلا فيما أذن فيه الشرع. Ici, il dit, Cheikh Zayd rahimahullah ta'ala, le jugement ne se fait qu'en prenant des bonnes actions de l'oppresseur et en les donnant à l'opprimé. Et donc, si les bonnes actions de l'oppresseur sont épuisées, alors qu'il ne s'est toujours pas acquitté de ce qu'il a commis comme injustice, de mauvaises actions seront prises de ceux qu'il aura opprimés, et elles lui seront jetées sur lui, et il sera jeté en enfer. C'est pour cette raison, et c'est ici là, le point pratique qu'on a cité, c'est pour cette raison qu'il est obligatoire aux musulmans de préserver sa langue, et de préserver ses membres, et de préserver son cœur, afin de ne pas avoir à céder ses bonnes actions le jour de la résurrection à ceux qui l'auraient opprimé. Que cela soit dans leur sang, ou dans leur honneur, ou dans leur bien, car c'est au sujet de ces choses que se fait le règlement des comptes le jour de la résurrection. Comme ce que la langue commet, par exemple, en termes de médisance, que le prophète, Hassan d'ailleurs, a défini et expliqué comme étant « citer ton frère en disant ce qu'il n'aime pas qu'on dise de lui ». Il fut dit « Que dis-tu si ce que je dis à son sujet est vrai ?» Il répondit, alayhi salatu wassalam, « Si ce que tu dis à son sujet est vrai, tu auras alors certes médit à son sujet. Mais si ce que tu dis à son sujet n'est pas vrai, tu l'auras alors certes calomnie. » Ce hadith l'a rapporté par l'imam مسلم رحمه الله تعالى دبخ الحديث ده أبو هريرة. Et donc Cheikh ici il dit la calomnie est un péché plus grave que celui de la médisance, car la calomnie est une médisance et un mensonge. Donc il dit Cheikh ne cite donc personne si ce n'est en mal, en tout cas si ce n'est parce que la législation a permis. De même les biens. Et on peut citer un exemple par rapport que le fait de pouvoir citer en mal quelqu'un et que ça a été permis dans la religion, c'est le fait de mettre en garde en fonction des règles citées par les ulama. De même les biens. Tu te dois de préserver, comme dit Cheikh ici. Il dit, وَحَكَدَ فِي الْأَمْوَالِ يَجِبُ أَنْ تَحْفَرَ نَفْسَكَ مِنْ أَخْذِ أَمْوَالِ النَّاسِ بِأَيِّ طَرِيقٍ مِنَ الطُّرُقِ لِهَذَا حَرَّمَ اللَّهُ السَّرِقَةَ وَالْغَصْبُ وَالنَّهْبُ وَالِاخْتِلَاسِ وَالْغِش فِي الْبَيْعِ وَالشِّرَاءِ وَالْمُمَاطَلَةِ فِي الدُّيُونِ والغش في العمل الوظيفي كل ذلك لا يترك فإن حفظت يدك من المال الحرام جملة وتفصيلا فقد نجوت وهكذا في الدماء وفي الإيذاء للخلق حتى باللطمة لا يتركها الله عز وجل بل ينتصر للمظلوم ممن ظلمه ولو بلطمة بيده التي هي من أقل الإيذاء فما كان أعلى من ذلك فهو أشد إثما. Cheikh, il dit de même les biens, tu te dois te préserver de prendre l'argent des gens par quelques voies parmi les voies qu'Allah a rendues illicites, en termes de vol, d'usurpation, de pillage, de malversation, détournement, de tricherie dans les transactions de vente et d'achat, de retardement, tergiversation dans le remboursement des dettes, de tricherie dans le cadre d'un travail en tant qu'employé. Rien de cela ne sera omis. Si tu préserves tes mains de l'argent illicite en général et en particulier, tu seras sauvé. De même au sujet du sang, et de causer du tort aux gens, ne serait-ce que par une gifle. Rien de cela ne sera omis par Allah le Très-Haut. Mais au contraire, il donnera victoire à l'opprimé sur celui qui l'aura opprimé. Et ce, même si ce n'est qu'une gifle de la main, qui est la moindre des manières de faire mal à quelqu'un. Ce qui est donc plus conséquent que cela est pire en termes de péché. في هذه القنطرة يتم الجزاء فيما يتعلق بالأموال والأعراض والدماء فلا يدخل أحد من أهل النار النار وله عند أحد من أهل الجنة حق حتى يقضيه ولا يدخل أحد من أهل الجنة الجنة ولأحد من أهل النار عنده حق كذلك حتى يقضيه الله منه والعكس. الشيخ دي رحمه الله sur cette Qantara aura lieu la rétribution en ce qui concerne les biens, les honneurs et le sang. Personne parmi les gens de l'enfer n'entrera en enfer alors qu'il aurait auprès de quelqu'un parmi les gens du paradis un droit jusqu'à ce qu'il récupère son droit, et personne parmi les gens du paradis n'entrera au paradis alors qu'une personne parmi les gens de l'enfer aura un droit sur lui sans qu'Allah ne le fasse récupérer de lui. D'après Abu Sa'id al-Khudri, وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يخلص المؤمنون من النار فيحبسون على قنطرة بين الجنة والنار فيقص لبعضهم من بعض مظالم كانت بينهم في الدنيا حتى إذا هذبوا ونقوا أذن لهم في دخول الجنة فوالذي نفس محمد بيده لأحدهم أهدى بمنزله في الجنة منه بمنزله كان في الدنيا. D'après Abu Sa'id al-Khudri, que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit, les croyants sortiront de l'enfer et seront bloqués sur une qantara entre le paradis et l'enfer. Et les comptes des injustices qu'ils avaient entre eux dans ce bas monde seront réglés les uns envers les autres, jusqu'ils soient purifiés et qu'ils en soient nettoyés. Seulement alors il leur sera permis d'entrer au paradis. Par celui qui détient l'âme de Mohammed entre ses mains, c'est-à-dire qu'il jure par Allah subhanahu wa ta'ala, ils seront plus guidés vers leur demeure au paradis qu'ils ne le sont vers leur demeure qu'ils avaient dans ce bas monde. Et ce hadith est rapporté par Al-Bukhari, numéro 6535. Cheikh, il continue son magnifique, sa magnifique explication de ce poème. Il dit « Lida fa'innahu la buddha an yulahida al-muslimu nafsahu fi hadhihi al-hayati bi hifdhi qalbih wa hifdhi jawarihih wa hifdhi lisanih lahu min a'zami al-jawarih imma kasban lil-khayr wa imma iktisaban lil-shar. Lida lamma wassa an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam mu'adan radiyallahu anhu hinama talaba minhu al-wasiyah wassahu bi arkan al-islam thumma qala lahu ألا أخبرك بملاك ذلك كله؟ قال قلت بلى يا رسول الله فأخذ بلسانه فقال كف عليك هذا يعني احفظ لسانك إلا من الخير كف عليك هذا قال فقلت يا رسول الله وإن لمؤاخذون بما نتكلم به فقال ثكلتك أمك يا معاذ وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو قال على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم؟ الشيخ زيد يكسبيك en disant أي فلتات اللسان. Ici, un autre point important aussi, et c'est encore une nasiha, un conseil pratique de Cheikh Zayed rahimahullah, il dit c'est pour cela qu'il est obligatoire aux musulmans d'être sur ses gardes dans cette vie d'ici-bas, en préservant son cœur, en préservant ses membres, en préservant sa langue, qu'elle est, alors qu'elle est la partie du corps la plus importante, que ce soit en obtention du bien ou en commission de mal. C'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a enjoint à Mu'adh qalal agré, lorsque ce dernier lui a demandé une recommandation. Il lui a enjoint les cinq piliers de l'islam. Puis il a dit, alayhi salatu wassalam, ne t'informerai-je pas de la clé de tout cela? Mu'adh répondit, certes oui, au messager d'Allah. Le messager d'Allah tint sa langue et répondit, tiens celle-ci. C'est-à-dire, retiens ta langue. Il dit, j'ai dit au messager d'Allah, allons-nous donc être tenus responsables pour ce que nous disons? Le messager d'Allah s'en répondit, que ta mère te perde, Mu'adh. Qu'est-ce qui fait les gens, plutôt culbuter les gens en enfer sur leur visage, ou il dit sur leur narine, si ce n'est les moissons de leur langue, c'est-à-dire ce que récolte leur langue en termes de paroles. Et Cheikh Zayed, il dit, c'est-à-dire les glissades, les mauvaises paroles dites par la langue. Et c'est pour ça que Cheikh, il dit ici, وَمِنْ هُنَا وَجَبَ الْإِنْتِبَاهُ دَائِمًا. Si vous voulez les références du hadith, ce hadith est rapporté par Tirmidhi ibn Majah, d'après le hadith de Mu'adh ibn Jabal, car l'agré est le jugé authentique par Cheikh al-Albani dans Irwa al-Ghalil, numéro 413. Donc il dit, وَمِنْ هُنَا وَجَبَ الْإِنْتِبَاهُ دَائِمًا وَأَبَدًا عِنْدَ النُّطْقِ بِالْكَلَامِ مَاذَا تُرِيدُ بِهِ أَيُّهَا النَّاطِقُ إن أردت بي خيرا فهنيئا لك من تسبيح أو تحميد أو تهليل أو تكبير أو قراءة قرآن أو أمر بالمعروف أو نهي عن المنكر أو نشر للعلم وغير ذلك مما هو كله خير فأبشر بالحسنات العظيمة التي هي من كسب اللسان وعمله. Il dit, c'est pour cette raison qu'il est obligatoire à tout moment, lorsqu'on veut parler, de se demander, de se poser la question, que cherches-tu au moyen de cette parole, ô toi qui veux parler? Si tu cherches un bien, eh bien alors tant mieux pour toi. Un bien en termes de tesbih, de tahlil, takbir, ou lecture du Coran, ordonner un bien ou interdire un mal, ou diffuser la science de la religion, etc. Parmi les choses qui sont toutes un bien. Il dit alors, Cheikh, sois alors réjoui de la bonne nouvelle des bonnes actions. Pour celui dont la moisson des bonnes actions de celui qui a dit ces paroles et qui sont donc la moisson de la langue et de ses paroles. Mais si c'est autre chose, comme il dit Cheikh ici, wa in kana siwa dhalik faqad tasabbabta fi halaki nafsik wa shaqa'iha kas-sabb wa ash-shatm wa qabla dhalika kalimat al-kufr wa ash-shirk wa kalimat al-bid' wa ad-dalal wa al-ghibah wa an-namimah wa al-kadhib wa ma yusamma bil-mazh wa huwa kadhibun. Cheikh, il dit, mais si c'est autre chose que des bonnes actions, des bonnes paroles, alors tu seras la cause de ta propre perdition et de ton propre malheur, comme des insultes et injures, et avant tout cela, les paroles de mécréance et de polythéisme, et les paroles d'innovation religieuse et d'égarement, la médisance, le colportage de médisance, le mensonge, et ce qui est appelé plaisanterie, alors que cela contient du mensonge. D'ailleurs, ici, un point important, parce que ça arrive à beaucoup de gens de faire ça, soit par ignorance, soit par insouciance. Dirawa Abu Dawud an Abi Umamata radiallahu anhu, qala qala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, ana za'imu baytin fi rabadil jannati liman taraka al-mira'a wa in kana muhiqqa, wa bi baytin fi wasatil jannah liman taraka al-kadiba wa in kana maziha, wa bi baytin fi a'la al-jannah liman hassana khuluqah. وهذا الحديث صححه الألباني رحمه الله في سلسلة الأحاديث الصحيحة. Donc il dit Abu Daoud, rapport d'après Abu Umama Kalalagri, qui dit le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit je garantis un palais au bord du paradis pour celui qui délaisse le débat, même s'il a raison, ou alors qu'il a raison, et un palais au milieu du paradis pour celui qui délaisse le mensonge, même s'il plaisante, même si dans la plaisanterie. Et un palais au plus haut du paradis pour celui qui embellit son comportement. Et ce hadith, il est jugé authentique par Al-Albani, rahimahullah, dans Sisila Hadith Sahiha, numéro 273. Et Cheikh Hildon, il dit, كل ذلك سعي في هلاك النفس وشقائها. Tout cela est un cheminement vers la perdition de l'âme et son malheur. وَلَا يُتْرَكُ شَيْءٌ مِمَّا نَطَقَ بِهِ اللِّسَانِ إِمَّا لَكَ وَإِمَّا عَلَيْكِ فَيَجِبُ دَائِمًا وَأَبَدًا مُرَاقَبَةُ اللِّسَانِ وَمَنْ أُصِيبَ بِغَفْلَةٍ فَعَلِيَ أَنْ يَتَذَكَّرَ أَنَّ اللَّهَ سَائِلُهُ عَمَّا نَطَقَ بِهِ لِسَانُهُ قال الله عز وجل مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ. إِذَا تَأَمَّلْتَ هَذِهِ الْآيَةَ وَكَانَ لَكَ نِيَّةٌ حَسَنَةٌ وَخَوْفٌ مِنَ اللَّهِ رَاقَبْتَ لِسَانَكَ عَنْدَ النُّطْقِ ما يلفظ من قول أي قول سواء كان حقا أو باطلا أو مباحا أو محرما كل ذلك يكتب ويدون في الصحيفة والله يجازي عليه وذلك من أهل أهوال القيامة التي يجب أن يتذكرها المسلمون والمسلمات دائما وأبدا. الشيخ زيد رحمه الله il finit ce sixième point de cette très belle manière. Il dit rien de prononcé par la langue ne sera omis, ne sera laissé. Cela sera soit pour toi, soit contre toi. Quiconque est affligé par une insouciance se doit obligatoirement de se rappeler qu'Allah le questionnera au sujet de ce que sa langue a prononcé, a dit. Allah le Très-Haut dit, selon la traduction du sens est, il ne prononce pas une parole sans avoir auprès de lui un observateur prêt à l'inscrire. Surat Qaf, verset 18. Si tu médites ce verset et que tu as une bonne intention et une crainte d'Allah, tu surveilleras ta langue au moment de parler. Il ne prononce pas une parole, c'est-à-dire, ici fait référence au verset, quelle parole que ce soit, que cela soit une vérité ou un faux, une parole permise ou illicite, tout cela sera inscrit dans le registre et Allah le rétribuera en fonction de cela. Ceci fait donc partie des affaires effrayantes du jour de la résurrection qu'il est obligatoire aux musulmans et aux musulmanes de se rappeler tout le temps et à tout moment. Septième point, parmi les affaires effrayantes de... et on va finir le chapitre, en tout cas ce chapitre sur le jour de la résurrection avec ce point-là, Inch'Allah. وهكذا النهاية إما في الدار الطيبة وإما في الدار الخبيثة إما في جنة وإما في نار والعياذ بالله الله عز وجل يرزقنا الجنة جميعا وللأولى أسبابها وهي الأعمال الصالحة وترك السيئات وللثانية أسبابها وهو الإهمال لصالح الأعمال واجتراح السيئات التي توبق الإنسان وتكون سببا شقائه فإن الله تبارك وتعالى كما قال الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم إن الله طيب لا يقبل إلا الطيب فلا يجاوره في الدار الطيبة إلا من كان طيبا طيب الأعمال والطيب الأفعال والطيب النية. De même la faim, soit la faim F-I-N, soit donc dans la bonne demeure, soit dans la mauvaise demeure, soit au paradis, qu'on fasse partie de ces gens-là, soit en enfer, qu'Allah nous en préserve. Il dit la première de ces demeures, c'est-à-dire la demeure du paradis, la bonne demeure, a ses causes, qui sont les actions vertueuses et le délaissement des péchés. La seconde demeure, qui est la mauvaise demeure, qui est l'enfer, a également ses causes, qui sont la négligence quant aux actions vertueuses et la commission des mauvaises actions qui vouent la personne à la perdition et sont la cause de son malheur. Comme l'a dit le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, Allah est bon et n'accepte que le bien. Et ce hadith est rapporté par un musulman d'après le hadith d'Abu Huraira qu'Allah l'agrée. Donc, ne sera dans son voisinage, dans la bonne demeure, que ceux qui sont bons, bons en termes d'actes et en termes d'action et en termes d'intention. Maintenant, on arrive à la dernière partie du cours, et c'est la partie qui s'attache au fait de méditer les signes et les merveilles d'Allah dans la création. Atafakkuru fi ayati Allah al-kawniya. Et ce sont les vers de poésie où l'imam Sa'di rahimahullah, il dit: Tafakkar bi athari al-azim wa ma hawat mamalikuhu al-uzma la'allaka tarshudu. ألم تر هذا الليل إذ جاء مظلما فعقبه جيش من الصبح يطرد. Médite quant au signe de l'immense, est-ce que comprennent ces sublimes royaumes en espérant que tu seras guidé. Et comme on a cité tout à l'heure, on a dit: Ne vois-tu pas cette nuit qui vient avec l'obscurité suivie par une armée du matin qui la chasse. Qu'est-ce que ces vers de poésie veulent dire? Cheikh Zayd nous l'explique, rahimahullah. Il dit: هذا أيضا إرشاد من الناظم رحمه الله بعد إرشاد أن يتأمل المسلم في مخلوقات الله العظيمة يستدل بذلك على قدرته وعلى استحقاقه للعبادة وحده دون سواه. فالمتأمل في السماوات والأرض وما فيهما من العجائب كما تنبته الأرض للخلائق على اختلاف طبقاتها وكعجائب بناء السماوات السبع بغير عمد وتزيينها بالكواكب وعمالها من ملائكة كرام وغيرها من مخلوقات عظيمة لا تعد ولا تحصى والتي تدل على قدرة الله عز وجل وعلى استحقاق إخلاص العبادة له لأنه هو المستحق لها وحده دون سواه. ولما ذكر وقال الشيخ زي رحمه الله لا تعد ولا تحصى ذكر في الحاشية قال الله تعالى: قل انظروا ماذا في السماوات والأرض Ceci est aussi une orientation de l'auteur du poème qu'Allah lui fasse miséricorde, qui est l'imam Sa'di rahimahullah, après la première orientation et le premier conseil, pour les musulmans vers le fait de méditer quant aux sublimes créations d'Allah, les merveilles d'Allah, afin qu'ils s'en servent comme preuve de sa puissance et qu'il est le seul endroit d'être adoré, subhanahu wa ta'ala. Celui qui médite les cieux et la terre, est-ce qu'ils contiennent comme chose étonnante? Comme la terre donne des plantes, des végétations, des choses qui poussent pour les créatures dans toutes leurs catégories, comme l'étonnante création des sept cieux sans aucun pilier, et leur embellissement au moyen des étoiles, et leur remplissement par des anges nobles, et d'autres parmi les créatures sublimes et merveilleuses qu'on ne peut énumérer ou recenser, et qui indique la puissance d'Allah, exalté soit-il, et son droit à l'adoration sincère, exclusive, car il est le seul endroit d'être adoré, et c'est de manière exclusive comme on l'a dit. Par rapport au fait ici qu'on a dit énumérer, c'est-à-dire les créatures sublimes qu'on ne peut énumérer ou recenser, ici, c'est un verset dont la traduction du sens est « dit regarder ce qui est dans les cieux et sur la terre, mais ni les preuves, ni les avertisseurs prophètes ne suffisent à des gens qui ne croient pas » et c'est surat Younes verset 101. « Wa kam min ayatin karimatin lafata Allahu fiha al-anzar ila hadhihi al-makhluqat al-azimati lil-istidlal biha ala wujub tawhid al-ilahiyyah » فيأتي الاستدلال بتوحيد الربوبية كخلق المخلوقات على وجوب توحيد الألوهية وهكذا في سائر المخلوقات عالم الإنس وعالم الإنس وعالم الجن وعالم الوحش وعوالم متعددة من نظر وتأمل في خلقها وتركيب الله عز وجل لها على ما هي عليه ورزقها فإنه يستدل بذلك على قدرة الله عز وجل ومن ثم يستدل بذلك على وحدانية الله وأنه هو المستحق للعبادة وحده دون سواه. ولما قال الشيخ رحمه الله يستدل بذلك على قدرة الله ذكر قال الله عز وجل ومن آياته خلق السماوات والأرض وما بث فيهما من دابة هو على جمعهم إذا يشاء قدير من سورة الشورى. Donc Cheikh il dit ici Dans de nombreux nobles versets, Allah attire l'attention vers ces immenses créatures afin de les utiliser comme preuve de l'obligation de l'unicité dans sa divinité, l'unicité d'adoration. Il utilise donc l'unicité dans sa seigneurie, comme par exemple la création des créatures, pour preuve de l'obligation de l'unicité dans l'adoration. De même, pour toutes les créatures, le monde des êtres humains, et le monde des djinns, et le monde des bêtes, et les nombreux mondes. Celui qui regarde et médite au sujet de leur création et leur formation par Allah, sous leurs formes actuelles ainsi que leurs provisions, il utilisera cela pour preuve de la puissance d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Donc, à partir de là, il l'utilisera pour preuve de l'unicité d'Allah, et qu'il est le seul endroit d'être adoré, et que c'est son droit exclusif, subhanahu wa ta'ala. Ici, quand on a parlé de la puissance d'Allah, Cheikh Zayd, il a cité un verset dans la traduction du sens est: parmi ses preuves est la création des cieux et de la terre et des êtres vivants qu'il y a disséminés. Il a en outre le pouvoir de les réunir quand il voudra. Et c'est sur la Shura, verset 29. Cheikh il dit, rahimahullah, فلا بد من التأمل والتفكر في مخلوقات الله وهي الآيات الكونية. وقد قال تعالى: ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر من سورة فصلت. فهذه من المخلوقات العظيمة التي انفرد الله عز وجل بخلقها، ولم يشركه أحد من مخلوقاته في خلق ذرة من الذرات، بل الله هو المنفرد بالخلق والرزق والتدبير، ومن ثم والمستحق للعبادة والرزق والتدبير، ومن ثم هو المستحق للعبادة وحده دون سواه. Il est donc ici, cher, il dit, il est donc obligatoire de méditer et de réfléchir au sujet des créatures d'Allah, car elles sont les signes d'Allah et dans sa création. Allah, le Très-Haut, dit dans la traduction du sens est: parmi ses merveilles sont la nuit et le jour, le soleil et la lune. C'est Sourate Fussilat, verset 37. Ceux-ci font partie des créations immenses, sublimes, que seul Allah a créées, dans la création desquelles il n'a aucun associé parmi ses créatures. Et ce même dans la création ne fût-ce que d'un atome parmi les atomes. Mais de plus, Allah est le seul à créer, pourvoir les provisions et organiser. Donc il est le seul endroit d'être adoré, et cela est son droit exclusif. Et on a cité le verset de Sourate Shura, verset 29, et on a à la dernière partie de cette intervention, de ce cours d'aujourd'hui, et c'est ce qui a trait au Ayatullahi fil ardi wal nafs, c'est-à-dire les signes d'Allah dans la terre et concernant les gens qui sont en eux-mêmes des signes, comme on va le voir dans un instant. Il dit, l'imam Sa'adi rahimahullah, wa fil ardi ayatun liman kana muqinan wa ma tanfa'u al-ayatu man kana yajhadu wa fil nafsi ayatun wa fiha ajaibun biha yu'rafu Allahu al-'azimu wa yu'badu. لقد قامت الآيات تشهد أنه إله عظيم فضله ليس ينفد. Il y a sur la terre des signes pour ceux qui ont la certitude, mais les signes ne bénéficient en rien ceux qui renient. Et il y a dans l'âme ou dans les gens des signes, des choses étonnantes par lesquelles Allah l'immense est connu et il est adoré. Les signes sont certes établis attestant qu'il est la divinité sublime dont les grâces ne s'épuisent jamais. Explication de Cheikh Zayd rahimahullah ta'ala, il dit: ما ذكره الإمام السعدي رحمه الله في هذه الأبيات هو من الآيات الكونية التي تدل على وجود الباري سبحانه وتعالى وكمال قدرته واستحقاقه للعبادة وحده دون سواه، إذ لم يشركه أحد من مخلوقاته في خلق هذه المخلوقات وتكوينها، بل هو الذي انفرد بخلق الأرض وما فيها من العجائب من النبات والأقوات وبما فيها من السهول والجبال والمنخفضات والمرتفعات والمعاش للعباد والمعاش للعباد إلا ما لا يحصى من فضل الله الذي أودعه في هذه الأرض التي خلقها في يومين، كما قال الله عز وجل مخاطبا الكافرين: قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادا ذلك رب العالمين. فالذي انفرد بالخلق والرزق والتدبير هو الله تعالى. Ce que l'imam Saadi, car il fasse miséricorde, a cité dans ses vers de poésie fait partie des signes d'Allah dans sa création, qui indique l'existence du Créateur, exalté soit-il, et la perfection de sa puissance et son droit à l'adoration exclusive, car rien parmi ses créatures n'est associé à lui dans la création de ses créatures. Mais de plus, il est le seul à avoir créé la terre et ce qu'elle contient comme chose étonnante Parmi les végétations et les aliments, est-ce qu'elle contient comme vallée ou plutôt comme plaine et montagne? Et comme descente et montée, et comme provision pour les serviteurs, et tout ce qui ne peut être énuméré, des grâces d'Allah qu'il a placées sur cette terre, qu'il a créées en 2 jours, comme Allah le Très-Haut a dit, s'adressant aux mécréants, dans la traduction du sens est, dit, renierez-vous l'existence de celui qui a créé la terre en 2 jours, lui donnerez-vous des égaux, tel est le Seigneur de l'univers. Et c'est sur la Fonselette, verset 9. Celui qui est le seul à créer et à pourvoir en prévision, c'est Allah le Très-Haut, subhanahu wa ta'ala. ففي الأرض آيات عجيبة إذا تفكر في العقلاء من الرجال والنساء استدلوا بذلك على قدرة الله الذي سمى نفسه القدير وعلى استحقاقه للعبادة وحده دون سواه من القادر على خلق هذه المخلوقات وإذا عما فيها من المنافع هو الذي يستحق أن يعبد وحده دون سواه وهكذا الآيات في كل شيء ففي الأنفس مثلا من تدبر في خلقته كيف خلقها الله عز وجل وامتن الله عليه بذلك قال تعالى لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم إذا نظر الإنسان في خلق نفسه استدل بذلك على قدرة الله ومن ثم شكر الله عز وجل وذكره وحمده على ما أزداه إليه من خير وجميل إذ في خلقة الإنسان عظة وعبرة لنفسه إذا تأملها فوضع الأعضاء من الرأس والعينين والفم والسمع والفم والسمع في أماكنها المناسبة التي لا تصلح إلا فيها والتي وضع الحكيم العليم فيها وهكذا بقية الأعضاء لأنها من خلق أرحم الراحمين وأحكم الحاكمين الذي يضع الأشياء في مواضعها لدليل على قدرته وحكمته فوجب التفكر في خلق الإنسان حتى ينتقل من ذلك إلى شكر الله بالفعل وبالقول على إنعامه عليه وفضله عليه قال تعالى وفي أنفسكم أفلا تبصرون وقال بعض الشعراء وفي كل شيء وفي كل شيء له آية تدل على أنه الواحد قوله في كل شيء كل من أدوات العموم وشيء نكرة تعم أي كل شيء من مخلوقات الله عز وجل دليل على وجوده وقدرته واستحقاقه للعبادة وحده دون سواه وجب الشكر لله دائما وأبدا المتضمن للإيمان بربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته. Cheikh, il dit, Rahimahullah, il y a donc sur terre des signes étonnants que qu'ici, les gens doués de raison parmi les hommes et les femmes venaient à méditer, cela leur servirait comme preuve de la puissance d'Allah, qui s'est nommé lui-même Al-Qadir, le Très-Puissant, et qu'il est le seul endroit d'être adoré, et que c'est son droit exclusif. Car celui qui est capable de créer ses créatures et placer ce qu'elles contiennent comme bienfait, et celui qui mérite d'être adoré, il est celui qui mérite d'être adoré de manière exclusive. De même, les signes sont en toutes choses. Dans les gens, par exemple, quiconque médite au sujet de la création de sa propre personne, son propre corps et la forme sous laquelle Allah l'a créé et l'a comblé de ce bienfait, trouvera en cela une preuve de la puissance d'Allah. Et donc remerciera Allah, exalté soit-il. Elle se rappellera de lui et fera ses louanges en raison de ce par lequel il l'a comblé en termes de bienfait, de bien et de beauté. Car il y a dans la création de l'être humain une leçon et un rappel pour lui-même s'il y réfléchit. Ses membres, en partant de la tête, puis en descendant vers les yeux, la bouche et l'ouïe à ses endroits prévus, ou à leur endroit prévu, et qui ne peuvent être ailleurs que ces endroits. Et qu'Allah, l'omniscient, le très sage, y a placé. De même pour le reste des membres, car ils font partie de la création du plus miséricordieux des miséricordieux et du plus sage des juges qui placent les choses à leurs bons endroits. Cela n'est-il pas une preuve de sa puissance et de sa sagesse? Ici, par rapport, quand il a dit, Cheikh Zayd, rahimahullah, de même pour le reste des membres, il cite un point ici, il dit, قال الله تعالى, بلا قادرين على أن نسوي بنانا, من سورة القيامة. Il dit, عن سعيد بن جبير, عن ابن عباس رضي الله عنهما, قال, نجعله خفا أو حافرا, وان عكرمة قال, على أن نجعله مثل خف البعير أو حافر الحمار. انظر تفسير الطبري. Il dit ici que Allah subhanahu wa ta'ala, il dit selon la traduction du sens est, mais si nous sommes capables de remettre à leur place les extrémités de ses doigts. Surat al-Qiyamah, verset 4. D'après Saïd ibn Jubair, d'après Ibn Abbas, qu'il a dit que nous en fassions un sabot de chameau ou un sabot d'âne. D'après Ikrimah, d'en faire comme un sabot de chameau ou un sabot d'âne. Voir l'exégèse de l'imam Tabari du Coran, volume 33, page 471-472. Donc il dit ici, car ils font partie de la création du plus miséricordieux des miséricordieux et du plus sage des juges qui placent les choses à leurs bons endroits. Cela n'est-il pas une preuve de sa puissance et de sa sagesse? Il est donc obligatoire de méditer au sujet de la création de l'être humain. Afin qu'on puisse ensuite se mettre à remercier Allah en action et en parole pour ses bienfaits envers nous et ses grâces envers nous. Allah le traduit selon la traduction du sens est, ainsi qu'en vous-même, n'observez-vous donc pas sur le Dariyat, verset 21. Puis il cite une parole d'un poète qui a dit, et en toute chose, il y a pour lui un signe indiquant qu'il est l'unique. Sa parole en toute chose, en arabe ici, kul, c'est une des formulations qui exprime la généralité. Également, shay, c'est ce qu'on appelle un indéfini, un nakira, et qui a donc aussi valeur de généralité. C'est-à-dire que toute chose parmi les créatures d'Allah, le Très-Haut, est une preuve de son existence et de sa puissance et de son droit exclusif à être adoré, sans que rien ni personne d'autre que lui n'ait ce droit. Il est donc obligatoire de remercier Allah tout le temps et pour toujours d'un remerciement qui comprend la foi en sa seigneurie et en sa divinité et en ses noms et attributs. Et avec cela, on a fini la partie que je devais faire pour aujourd'hui. وجزاكم الله خيرا والله أعلم وسبحانك وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. جزاكم الله خيرا. Et je pense que je suis le dernier à passer aujourd'hui. Et demain, merci de vous référer pour demain à l'affiche et le programme qui sont diffusés actuellement sur Internet et les réseaux sociaux. Barakallahu fikoum.